une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Team BS. Passez une bonne soirée sur Skyrock entre 20 et 21. La Team BS à l'honneur avec un des artistes de la Team BS différent chaque soir avant de retrouver la Fouine demain et encadré par Cindy qui était là et qui fêtait son anniversaire hier soir. Ce soir, jeudi, c'est Fababi qui est là. Ouais, ouais, ouais. Comment va? Ça va et toi? Ça va débarrasser de tout le monde. Ouais, c'est bien d'être tout seul. T'es bien, enfin, venu en équipe aussi. Hein, ouais, je suis avec mes gars là. Voilà, donc t'es bien, pendant une heure, on va passer une heure ensemble. Il y aura un live que tu feras tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, ça va être très chaud. Bon, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que t'es détendu? Ouais, franchement, je suis content. Là, on est disque d'or, ça tourne pas mal. Plus d'exposition, plus de visibilité, c'est bien. Et Fababi, pour tous ceux aussi qui débarquent et qui veulent avoir un petit souvenir de tes morceaux, on va écouter le medley de Fababi tout de suite sur Skyrock avant de te retrouver. You know. Oui. Fababi, toi t'es un mec du 9-3. Ouais. 9-3, originaire de Noisy-le-Grand. Je suis très content de cet album. Très fier. Planet Rock. Fababi, à ton tour. Baby, c'est moi. Baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police. Même si t'entendais n'appelle pas la police. Wesh ma gueule. Je vois tout le monde dans la foule crier. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Les Parisiens et même les Marseillais. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Micro ouvert, guichet fermé. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Chez toi on dit quoi? Par ici nous on dit wesh ma gueule. Skyrock. Il sait pas baby. Dites à l'imam de venir maintenant. Liste est en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom, mon nom. Ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse une larme quand je pense à maman, maman. Tous les chemins mènent à quelqu'un, les océans se traversent. Maintenant je roule vers le futur, la nostalgie dans le rétro. Dans mon miroir te ressembler serait quand mon seul défaut. Pas loin du périmètre. Le corps d'une femme se vend, ben donc l'amour s'achète. C'est les reproches qui nous font stagner. Rock l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Rock l'amour, mais ghetto youth nous dit d'en parler. Rock l'amour, boss and lady, SFA baby. Pas de mea culpa, peut-être qu'on est trop jeune. Les larmes qui ne coulent pas sont les plus dangereuses. Et on fera tout juste pour rester en vie. Dis-moi ce que t'as et je te dirai qui t'envie. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde. Fababi ce soir jusqu'à 21h avec le medley qu'on écoutait à l'instant où on retrouvait des extraits justement de La Force du Nombre. Ouais. Le projet qui est toujours dans les bacs. Ouais, toujours La Force du Nombre, c'est sorti ça va faire bientôt déjà un an. Et franchement, j'ai eu des excellents retours. Ouais, quel bilan tu tires de cet album? Ben, c'était un album qui est sorti dans des périodes un peu difficiles vu qu'on était en période de clash, donc c'est un peu, on va dire, noyé le projet, mais... Tu crois que c'est ça qui brouille, qui a pu brouiller aussi? Ouais, c'est vrai que, ben, en fait, ils s'attendent toujours à ce que moi je sois dedans ou que je fasse partie. Que tu prennes partie d'un truc. Ouais, voilà. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'avoir une oreille sur le projet en mode Fababi, il a sorti un album, c'est toujours voir est-ce qu'il y a un pic, est-ce que lui aussi il est rentré dans le truc. Mais depuis le début et depuis toutes les interviews que j'ai faites, j'ai toujours dit la même chose. Tu vois, c'est que moi les clashs, tant que ça me concernait pas, tu vois, je vais pas mettre mon nez dedans. Je suis là pour faire de la musique et les clashs, c'est pas une discipline. C'est pas une discipline, c'est pas un exercice que tu affectionnes. Non, non. Bon, on écoutera, on pourra revenir ce soir sur l'album La Force du Nombre, on repassera des morceaux, on en mettra un dans quelques minutes. Ouais. Mais juste avant, on débute avec un extrait de la Team BS. C'est fierté pour débuter. Ok. Non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau.

c'est la chose dont on parle le plus quand on écoute du Fat Baby, mais sinon c'est pas genre je me casse pas la tête à trouver la meilleure phrase du truc. C'est vrai que ouais, ça lui vient naturellement. Il force pas, il écrit et ça vient. Bon, est-ce qu'il grandit bien? Est-ce que vous êtes content et fier justement de Fat Baby? Ouais, sur le parcours ouais. Maintenant on va essayer d'aller encore un peu plus haut. Forcément. Là actuellement c'est quoi? C'est plutôt période studio maquette studio, ou c'est là, enregistrement de morceaux définitifs en ce moment? On travaille l'album. L'album ouais. Ça veut dire que là on est nuit et jour en studio. On travaille de haut. Ça fait un moment que je suis dessus en plus hein. Même quand j'ai fini La Force du Nombre, je me suis directement mis en studio avec Novacorp. Et voilà. C'est pour ça même que dans certains morceaux de Team BS, on m'entend pas du tout, tu vois. Dans Fierté, j'ai un 4 mesures. Dans Team BS, j'ai un 4 mesures aussi. Dans 1, 2, 3, je suis pas là. Parce que j'étais vraiment concentré sur mon album. Et qu'en même temps, il y avait aussi le projet, bon, Team BS. Et c'est vrai que c'est un projet qui est aussi un peu plus large. Qui est un projet où un artiste comme toi, un rappeur comme toi, c'est peut-être aussi parfois un peu compliqué à s'intégrer. Parce que c'est pas mon. Bah oui. C'est pas mon créneau du tout. Ça veut dire je l'ai fait parce que c'est la team banlieue sale. Si t'enlèves Fat Baby, tu vois, c'est plus banlieue sale vraiment, parce que c'était un peu moi celui qui était là l'année dernière, donc ce serait pas logique qu'il fasse un Team BS sans Fat Baby. Donc moi j'étais là, j'ai fait acte de présence on va dire, mais c'est pas trop mon style de musique. Bon, tu regrettes pas quand même? Non, t'en es pas à la partie regret? Pas regret, mais on va dire que si c'était moi qui aurais pris les commandes de cet album là, il aurait que je rappe. Ouais, il y aurait Griot. Et Cindy, elle aurait fait des refrains de cinglés aussi. Bon, c'est le morceau, c'est les deux morceaux, je pense qu'on écoutera aussi ce soir C'est les deux morceaux où, comme on avait expliqué la dernière fois. Vous s'étiez pris la tête, t'avais dit. On s'est embrouillé parce que je trouvais que l'album, il était pas assez, on va dire, mature. C'est-à-dire que Griot, ça parle à tout le monde. Quand j'ai entendu le morceau Team BS et les autres morceaux, je me suis dit, il me faut mon morceau qui parle à tout le monde, à l'Afrique et aux gens du rap aussi. Parce que je rappe aussi, c'est vraiment kickage. Tu vois, c'est performance, tu vois, le fond et la forme. Dedans, il y avait le fond et la forme. Donc Rio et je rappe, il y a le fond et la forme. Bon, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Alors, est-ce qu'on retourne sur La Force du Nombre et on mettra des extraits de Team BS tout à l'heure? Ouais, on va mettre quelques extraits de La maintenant Force du Nombre. On va mettre maintenant. Maintenant? Ouais. Tu veux dire un mot? C'est vrai que je crois que c'était le premier extrait, celui-ci, qui avait été envoyé, non? Non, le premier extrait, c'était le morceau avec Gianni. Ah, c'était avec Gianni, ouais. Ouais, le premier, ça, c'était. Mais en tout cas, celui-ci arrivait, voilà. C'est celui qui a vraiment lancé l'album, parce que donc, morceau, triste, sombre, mélancolique. Ouais. Avec un petit sample, un délire à la fin. Baby, quoi. C'est vraiment celui qui a poussé l'album, on va dire que. Vas-y, c'est le morceau phare de l'album pour moi, c'est celui-là. Et bon, l'un des morceaux phares. On l'écoute maintenant dans la soirée Fat Baby de cette Team BS sur Skyrock. J'ai déjà vu un policier m'insulter de sale négro. Ma foi a peur car ma vengeance engraine mon ego. Mes sentiments cherchent mon corps, pourtant mon cœur n'est pas loin. Aucune rivière de larmes ne peut noyer un chagrin. L'amour me pose à la pain, la mélancolie m'emmène. Sans capuche ou la pluie, j'attends que le daron revienne. Un passé qui creuse des tombes, des souvenirs à l'appel. M'accuse pas des têtes en l'air, moi j'ai des frères au ciel. Pays souillé, joue essuyé. Je suis armé fuyé, je fais partie des oubliés. Ouvrir les bras à la mort, la vie n'a pas voulu le faire. Certains vont rater le paradis à cause d'une meuf d'enfer. J'entends des égos, ça part sur mon dos. Des rappeurs envieux, car je suis une star des banlieues. Pourquoi s'endetter de câlins quand l'amour peut se monnayer? Bozen, lady, ils aiment pas baby. Je t'anime à me devenir maintenant. Listé en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse aux larmes quand je pense à maman. Maman, dit à l'imam de venir maintenant. Listé en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Mon nom. Ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse aux larmes quand je pense à maman. Maman. Méfiance et trahison, c'est ce qui reste dans ma mémoire. Pourquoi un flow gospel pour leur rappeler que je suis noir? Ou même grâce à Fouini, ouais, j'ai vraiment du talent. J'ai laissé fuir la femme que j'aime car mon silence est galant. Le diable se cache dans mes passions pour venir troubler ma conscience. Les faux frères se marquaient pour venir séduire ma confiance. Ma carrière une ascension mais ma vie est en déclin. J'attends qu'on fasse le rappel avant que ma voix soit restreinte. Le plus attendu de cette année, c'est vrai que ça change la donne. Dans la chambre de mon cœur, y'a des posters de la daronne. Les opposés s'attirent, pour s'y opposer s'attirent. J'ai peur d'y rester, car mon rêve c'est de partir. Dans mon quartier, certains se droguent pour oublier qu'ils existent. Les racistes blancs voient du noir devant des enfants métis. J'ai des remords, où je fais des sauts morts. Où je parle de gens morts, baby, baby, no more. Pourquoi s'endetter de câlins quand l'amour peut se monnayer? Buzzin, lady, Isefa, baby. Dites à l'imam de venir maintenant. Liste en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Ça parle de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse larmes quand je pense à maman. Maman, dites à l'imam de venir maintenant. Liste en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse une larme quand je pense à maman. Maman, quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis. Quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis. Quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis. Quoi que je dise. La gloire me ramène des ennemis. C'est le morceau qui s'appelle Maintenant à l'instant. Ouais. Morceau très, qui... très très bon retour sur ce morceau là. J'ai été très content. C'est là de... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont félicité pour ce morceau. Et j'étais très content. Tu viens toi la première fois que t'as écouté l'instru justement de ce morceau? Ouais, c'était quelque chose comme... Dès que j'ai écouté, j'ai écrit direct. Je crois que je l'ai... En fait, c'est... Tu vois, il y a tout... Quand les beatmakers t'envoient une prod, il y a tout le temps celles qui veulent pas vraiment faire écouter, qui pensent qu'elle est truc. Et après, moi, j'ai dit, bah, fais écouter quand même. Et après, c'est le sample... Qui a fait le son de celui-ci? C'est Joe, celui qui m'a fait... Attends, il m'a fait quoi d'autre? Il m'a fait d'autres prods dans l'album. Je pourrais pas te dire lesquelles là maintenant tout de suite. Mais... Il m'a fait quelques prods dans l'album. Très bien. Et Wisla en fait, celui qui a fait l'album de Section d'Assaut. Donc t'étais en train de dire, souvent ils veulent pas faire écouter. Ouais, ils veulent pas faire écouter. Ils disent, bon, si je lui envoie ça, il va rigoler ou truc. Et le sample, il m'a pris direct, on va dire. Ça veut dire que c'était en harmonie avec ma voix, mon humeur du moment, et voilà, c'était parfait. C'était exactement ça que je voulais. Il y a des sons là, tiens, comme t'es sur le nouvel album, t'expérimentes entre guillemets, il y a des sonorités sur lesquelles tu vas. Ouais, c'est vrai que c'est plus piano mélancolie, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus rudes, comme en ce moment c'est le grand trip du trap. On va dire que musique. En fait, si tu veux, quand il y a une tendance, c'est bien de la suivre et d'être performant sur cette tendance pour montrer aussi que toi aussi tu peux t'adapter à certains types de prod. Mais c'est, on va dire que ça va être prédominant dans mon prochain album, sûrement. Mais il y aura quand même du Fa Baby piano, tu vois, les délires quoi, les délires à la Fa Baby. Très bien. Toujours. Toi, les souvenirs justement que t'as quand t'es plus jeune, quand t'écoutes les plus grands rappés ou les groupes rappés, les artistes rappés, c'est qui en français que t'écoutes beaucoup? Donc évidemment, je suppose il y a le 93, donc il y a des gens du 93, il y a NTM, il y a peut-être Tandem. Toi, t'es peut-être plus Tandem, cette génération. Ouais. Tandem, ouais. Voilà. T'es peut-être plus. T'as dit le truc. Tandem, Safe You. D'ailleurs, grosse dédicace à Socrate et Safe You, Alpha 520. Bah, la plupart des gens du 9-3, j'ai écouté. Et puis Mafia Quimpri aussi. Kerry, grosse dédicace à Kerry qui m'a beaucoup poussé, qui m'a donné beaucoup de conseils aussi, parce qu'il est venu écouter en fait l'album. Quand j'ai fait l'album, il y a certaines personnes que j'avais envie qu'ils écoutent mon album et je les ai invités en studio. Donc il y a eu DC's, il y a eu Youssoupha qui est passé, il y a Kerry James, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de l'album. Tu vois, s'ils avaient un truc à dire ou quoi, comme ils sont plus grands que moi et qu'ils ont plus d'expérience, c'est bien de prendre l'expérience des anciens. En plus, c'est des personnes que j'écoutais avant. Mais est-ce qu'ils osent dire justement? Est-ce que. Kerry, il a été carré. Il t'a dit quoi par exemple, Kerry? Ah, bah, c'est. En fait, sortir le morceau maintenant, c'est une de ses idées à lui. parce que moi j'étais parti sur autre chose. Et il m'a dit celle-là, c'est l'une de mes préférées, elle est très bien écrite et on va dire que tu sors du lot. On va dire avec celle-là, t'as une identité, parce que dans la nouvelle génération, ils ont un problème d'identité où quand ils rappent, tu sais pas exactement ce qu'ils veulent raconter. Et il m'a dit en écoutant ton album, à la base lui, il kiffait, mais il voulait vraiment voir s'il y avait quelque chose derrière. Moi, il me l'a dit clairement. Il m'a dit, ce son là, c'est d'ailleurs dans un des freestyles où j'ai un freestyle vidéo où il parle à la fin, où il me dédicace, où il dit que vraiment des derniers MC qui restent, je fais partie de ces gens-là, de ceux qui valident. Et ça m'a fait plaisir. Vu bah, que... Ça doit être touchant quand tu vois la carrière de Kerry. Ah oui, surtout que c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire de la musique. Ça fait toujours plaisir d'avoir la validation des anciens et d'être dans la musique et que ces anciens-là, ils sont encore là et qu'ils te valident en plus. Super content. On va revenir dans quelques minutes. On passera quoi? Un extrait de Team BS, le griot peut-être, ou je rappe comme tu veux? Ouais, je rappe. Je rappe. Je l'ai dit, Kaira. Eh bah, bougez pas, c'est dans un instant. Freestyle par téléphone et la roulette pour s'inscrire aussi. 41-759. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Team BS. You're listening to Skyrock. Comme toi. La fouine est Team BS. On choisit Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap. Team BS avec Fababi. C'est sa soirée à Fababi ce soir avant de retrouver la fouine demain entre 20 et 21 et l'équipe du film à toute épreuve. On va mettre un morceau de la Team BS, c'est Je Rappe. Ouais, Je Rappe. Bon, celui-ci, on en a déjà parlé, évidemment, c'était en pleine construction de l'album Team BS. Toi, il y avait un truc qui te gênait un peu, c'est que t'avais justement envie d'aller un peu plus dans l'exercice de style. Un truc plus mature et qui me ressemblait plus. Parce que l'album Team BS, il me ressemble, mais c'est une petite partie de moi, on va dire. Moi, Je Rappe et Je Griot. Et Griot, c'est vraiment c'est celle où j'ai imposé mon style, on va dire, dans cet album. C'était des morceaux qui parlaient à tout le monde. En plus, dans cette période-là, comme moi, je suis quelqu'un qui écrit en fonction de mon humeur, je recevais beaucoup de messages de personnes en Afrique, que ce soit Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, Togo, Bénin et tout. Et je me suis dit, là, c'est le moment. C'est-à-dire, tout le temps, ils m'envoient des messages, merci pour la musique que vous faites, et on aimerait bien un morceau qui parle de nous. Et puis, comme je suis allé au Sénégal il y a pas très longtemps, ben je me suis dit, c'est le moment. Bon, et donc il y a eu ces deux morceaux, Griot et Je Rappe. Tiens, par exemple, aujourd'hui, tu reçois quoi comme genre de message là? En ce jeudi, c'est quoi les genres de messages? Pas foutre, garde la pêche. Non, je rigole. Ben, mais sur quoi? Ils attendent tous le prochain album. Ils ont vu que. Ils ont aimé la Team BS, mais ils attendent Fababy en solo. Bon, ça arrivera à courant de l'année, peut-être début 2015. Hein. Ouais. À suivre. On met Je Rappe maintenant? Ouais, on va mettre Je Rappe. Allez, c'est parti. Team BS, grosse dédicace à Cindy, Sultan, Laouni, you know. Ayo, Scalp, je voulais dire, ta prod c'est du rap. 9-3, c'est du vrai putain de rap. Noisy Grand, oh. Je rappe les mitards de Nanterre, les frères qu'on enterre, les coups de feu, la BR, brolique sur la tempe, on peut, je rappe les mains en l'air. Je rappe mon passé, mon vécu, les frères sous écrou, toutes ces familles au fond du trou, en deux et demi, je rappe en putain de roue. Je rappe les descentes, les grosses perquisées, les frères sans mi-père, au terre-terre, la neige dans le nez des frères, je rappe pour les sports d'hiver. Je rappe mon succès, mes défaites, le zénith, la salle des fêtes, je rappe de cœur à cœur, je rappe les têtes à tête. Jamais réconcilié, barre oscillé, canon scié. C'est Fouini Baby, pas oublié. Je rappe les larmes de mon père, le sourire de mon banquier. À la mémoire de ma mère, je vais les faire tous banquer. 9-4, c'est le Barça, comme dit le poteau Kerry. 7-8, c'est la Syrie. Quand la rue écrit Fouini Baby rap. Quand la rue écrit Baby rap. Quand la rue écrit Full Twan rap. On a vécu comme Marlo, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit Fouini Baby rap. Quand la rue écrit Baby rap. Quand la rue écrit Full Twan rap. On a vécu comme Marlo, on meurt comme Tupac. J'rappe mes pensées, ma furie, mon écurie des tueries. Les barreaux des paumettes, les lancers de yo-yo de Fleury. J'rappe le malheur de mes proches, aussi pour combler mes poches. J'rappe les délaissés de l'État qui sont tout pleins de reproches. Mes frères qui tiennent le pavé, ceux qui n'ont jamais bavé. J'rappe pour ceux en bas de la pente, pour plein d'épreuves à braver. J'rappe ses habitants, même ceux toujours résidents. Ce qui compte c'est la fin du match, pas le score à la mi-temps. J'rappe pour tous ceux qui prennent la peine de m'écouter. Pour vous, je me prends la tête, j'essaye de faire que leur couplet. Ça pour marquer les esprits, tout ce que je vis, je le décris. Je ne peux que voir les choses en grand, y'a plus de type comme ici. J'rappe pour les bons vivants, j'rappe les fourgons cellulaires. J'rappe pour les inconscients et ceux qui ont pas le formulaire. Même si c'est maintenant que je croque, j'peux pas changer de cap. J'peux foutre ma voix dans la poque, tes MC savent que je rappe. Quand la rue écrit, Fouini babe rap. Quand la rue écrit, baby rap. Quand la rue écrit, Soul Twane rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit, Fouini babe rap. Quand la rue écrit, baby rap. Quand la rue écrit, Soul Twane rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. J'rappe pour ceux au mitard, le cœur bloqué au quartier. Entre les keufs et moi, le courant passe pas, ils m'ont juste tasé. J'rappe pour ceux qui vendent de la blanche, de la beuh ou du sem. Si y'a plus de balles dans le chargeur, on te creuse avec le gun. Une colère infantile, j'rappe, j'ai pas un centime. J'suis ce rappeur qui a la dalle, donc les tolards me cantinent. Descendant d'esclaves, j'sais que l'État nous mène en bateau. Me parle pas du daron, j'vais pleurer comme ça co. Punchliner éclipse, j'rappe la lune et soleil. Un pote qui se barre quand ça tire, c'est une amitié qui s'enraye. J'rappe depuis le début, je sais que pour eux c'est fini. Moi c'est Bondi Green, il finit, c'est bien fouigné. J'rappe sur écoute, dans mon flow y'a de la réverb. Quand ma vie aura plus d'essence, j'me demande ce que la mort me réserve. Même si j'appelle ma fille même, j'suis même pas sûr qu'elle reste vierge. You know. Quand la rue écrit, Fouini babe rap. Quand la rue écrit, baby rap. Quand la rue écrit, Soul Twane rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit, Fouini babe rap. Quand la rue écrit, baby rap. Quand la rue écrit, Soul Twane rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. You know, baby baby no more. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. Team BS, disque d'or. Et vous? On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. C'est extrait du projet Team BS. Je rappe à l'instant avec Sultan, Fab Abi et La Fouine sur ce morceau. Toujours. Un des morceaux qu'on écoutera aussi tout à l'heure dans, elle est lourde, hein. Dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire. C'est Griot aussi, ce sera dans un instant. Ouais, elle est vraiment lourde. D'ailleurs, à propos de ce morceau-là, comme j'avais fait un big up à Sako, tu vois, dans le morceau, et ben, j'ai eu un appel de sa part où il m'a dédicacé, il m'a dit merci vraiment pour la dédicace que tu m'as faite dans l'album Team BS, et il m'a envoyé des places pour aller voir le match, c'était Paris-Leverkusen, je crois. Mm-hmm. Voilà, donc grosse dédicace à Sako, qui est encore en Coupe du Monde. Eh bah demain, ce sera à suivre, hein, ouais. Avec ouais. La France face à l'Allemagne, petit pronostic ou pas, Fabi? Je sais pas, ça va être chaud. Les Allemands, ils rigolent pas trop, hein. Bon allez, tous derrière les bleus, en tout cas, on souhaite bonne chance. Ah, c'est ça quoi, il joue, je suis derrière les bleus. Mais même pour les autres. Non, c'est pas mes potes. Non, je rigole. Truc horrible. Non, mais il y a des mecs que j'aime bien, moi, dans l'équipe de France, comme Rémi, Sissoko, Griezmann. C'est vraiment ils font un bon début de Coupe du Monde. Et bon, on suivra ça. Jouer de Sissoko quand même. Demain à 18h, demain à suivre. Le quart de finale France-Allemagne, ce sera demain à 18h, et évidemment on vous en parlera sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Dans quelques minutes on balancera, on met quoi, le griot, ou tu veux mettre encore un extrait de la France? Avant ça, je voulais faire un joyeux anniversaire à Medina de la part de Abraham, et voilà. Et bah, bon anniversaire Medina, c'est son anniversaire. Et un clip qui est sorti aussi qui s'appelle Pink Panther de Block Rider. Donc allez voir le clip. Et bah allez cliquer dessus. L'artiste c'est BR. Donc allez jeter un œil. C'est lourd. Donc voilà. On balance quoi, Griot ou un extrait de La Force du Nombre dans quelques minutes? Moi j'aurais bien mis Flingué au berceau. Flingué au berceau, ça arrive. Bougez pas, mais juste avant, il est grand temps de passer au freestyle par téléphone avec Issa par téléphone. Ça va bien, Issa? Allô Issa. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça va, en pleine forme, Issa de la Courneuve? Ouais, en pleine forme. Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap. T'es prêt à rapper, prêt à nous faire un freestyle, ça? Ouais, je suis prêt. Eh ben on y va, si t'es chaud, c'est parti. Coup d'envoi du freestyle par téléphone. Balance tout. Ok, hey. Ce rallye qui nous mène en bateau. Dans ma tête ça marque que des ratis. Le rallye ça vend les raclis. Chacun fait son rayon, tu me rends plus loin de mon char. Bélec à tous tes poteaux. Ça peut vite devenir des mouchards. On fait péter tôt, t'es le bar. Y'aura qu'une autre daronne pour Kekra. Rue du papa, tu pleurais ta maman. Balle de perdu pour te garder retrouver. Les sautes dans la tête, c'est des doigts se soulever. Souvent sur le raté pour toi, ça baisse que le ballon. Comprends-nous, gros fils de ta peu le salaire du dehors de la télé, ça oh. Ta joie à te enlever, t'es un bon, tu peux m'appeler Brenda, oh. Tu me regardes, oh, tu me n'es plus. Est-ce qu'il paraît la haine, c'est que plus. Qu'est-ce que tu racontes? Grosse de merde, elle est toute dans le truc, t'es cité, c'est une grosse pub, putain. Là, je suis comme Adwell, là, je fais que de la D. SSF, tu connais, je ne joue pas le gros bonnet. Tu te fais soulever ce qu'il fallait, donc arrête de te niquer. Miss au quartier, tout le monde m'a dit que t'avais déjà niqué. Niqué, niqué, fort, niqué, donner ton ZK à toute la cité. Hey, on a la dalle, tu nous t'as recette, on vient prendre ton blé, appelle le 17. La branche, c'est ta plaque, qui se mange froid, n'attends pas cet hiver pour venir te refroidir, merde. Ouais, on a grandi, tu penses qu'on joue les bandits. Joue pas la caïra parce que ta misère, un petit se dit. Fin. Ok, Issa, Issa de la Courneuve, ouais. À l'instant en freestyle, merci à toi mon pote, petite dédicace, petit message à passer. Ouais, dédicace à Okumé de la Courneuve et Belle Junie. Eh bah, ben ça roule, passe une bonne soirée, c'est les vacances Issa pour toi. Ouais, merci. Eh ben, mort de rire, Issa avec ses potes derrière à l'instant. Merci à vous tous les gars, à l'instant freestyle, le freestyle par téléphone avec Issa. Le freestyle par téléphone demain, venez rapper dans l'émission aussi, inscrivez-vous, 41-759. On fera tourner la roulette aussi dans un instant, 41-759. Baby, on met un morceau extrait de La Force du Nombre. Ouais, c'est parti. On va mettre l'intro, flingue au berceau. Et voilà, c'est une prod de DJ Scorp. Le déjà, fameux DJ gros, Scorp. Grosse dédicace à lui avec son morceau Touche à rien. Touche à rien qui sortira aussi au mois. Enfin, le morceau est dispo, mais il y aura un album au mois d'octobre pour DJ Scorp. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, Fababy, tout de suite sur Skyrock. Tu connais des acronymes? Tu sais, quand des initiales désignent un truc, par exemple FBI ou alors TVA, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un acronyme personnel. Tu veux que je te le dise? B-A-D. B-A-D. Bad. Burn, attitude et décision. Tu devrais t'en choisir un, toi aussi. Ça t'aidera à visualiser tes buts. Ça pourrait être FAD. Flingué au berceau. Là, pour négatif. La tête au zénith, garde à vos Bataclan. J'monte qu'à toucher sur scène, moi. J'explique la bague à temps, baby. 9-3, c'est Baltimore. Histoire de crack, tu meurs. Baby, baby, no more. Mon show star qui se prend, l'ira pas de main mort. J'toise le boss que j'vois dans mon miroir. J'ai un problème d'ego. Quand tu te confies à un trait, t'entends souvent des échos. Le racisme fait pas de chasse-neige sur les pistes noires. Les petits des quartiers, j'suis choc. Le 9-3, c'est moi. Calibre à la main, j'dois refuser de faire pitié. Cloué à la street, comme ça au moins je serai fixé. En cas de défaite, on se venge, on prend des armes, on plonge, on prend des risques, on tombe. Un gros coup, puis on se range comme nos anciens avant. L'ennemi est venu en nombre, j'ai plus choix, faut que j'en finisse. Sont calibrés, nous aussi, pas ni problème, Vini. C'est une guette sous un autre angle, tu diras que j'ai changé. Sous un croissant de lune, ton ennemi peut venir manger. À cause des balles qui sifflent, quand l'imam part, j'entends rien. On voit jamais ses défauts, devant un miroir sans teint. L'amitié s'achète pas, les autres ont fait les vendus. Des cris de torture dans une cave, c'est ça un malentendu. Tout le monde peut t'écarter ta voix, pour ça je refuse d'être au fun. Paradoxal, je suis musulman mais j'attire blâ les cochons. Les plaquettes sont détaillées dans nos bâtiments trop sales. L'illicite viole la pauvreté dans l'ascenseur social. Des soucis à la hauteur, donc je pourrais me jeter dans le vide. Quand mes mecs en cavale se livrent, la justice reste l'auteur. Ma sœur a peur, j'ai très peu de poteaux. Les pompes pas trop tôt. Et y'a de la violence dans nos propos. Papi, papi, bengami. Si la paix c'est un boomerang, j'espère qu'elle revienne vers me. You know. Dum, dum, gum, cum, cum, tan, fuck up. J'peux pas te faire la morale, regarde comment j'me comporte. Poésie de cité au ghetto récital. L'eau qui a coulé sous les ponts, lavera sûrement pas l'argent sale, j'répète. Poésie de cité au ghetto récital. Si un fan me tue sur scène, j'partirai de manière musicale. F.A.B. You know. F.A. Baby. Baby, baby, no more. Aïe. Mes gars sont dans la maison. You know. C'est l'intro de l'album celui-ci. Hein. Ouais, il est lourd. Hein. Donc c'est un morceau qui est important pour toi si tu l'as mis en ouverture de l'album. Ouais, parce qu'il montre, vas-y, ça c'est le morceau où il y a de la punchline. C'est vraiment sombre. Ça rappelle aussi, ça me rappelait aussi mes périodes où je rappais avec Despo et tout et tout. L'univers de cet instru m'a inspiré beaucoup de choses. Mmh. Ça veut dire, il me l'a fallait cet instru dès le début. C'est-à-dire dès que lui il a entendu le petit début cinématographique là au début là, il a dit non, ça c'est pour Fab Baby en plus c'est même pas un scénario inventé, c'est vraiment dans un film et il l'a mis. Et ben on va t'écouter maintenant en live Fab Baby si tu veux bien. Vas-y. C'est quoi, c'est un morceau inédit, c'est freestyle, c'est un morceau inédit. Inédit. Freestyle morceau inédit. On va l'appeler comme ça. Donc que t'es en train de bosser peut-être pour l'album ou ouais. Ou c'est cadeau. Voilà. C'est un cadeau, c'est pour montrer le ton pour les mois à venir. Et ben c'est parti maintenant en live, Monsieur Fab Baby. Les keufs sont venus ce matin, on dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin, ouais, on dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin, ouais, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. J'ai vu des gars à moi sombrer dans la folie. Pour la prochaine à gauche, on doit visquer la police. La mette est même plus bleue, mais c'est quoi ces histoires? Un peu monsieur White, Marlou Pipi veut le voir. 2 ans de prison fermée, mes gars ont pris plus. Soit certains ne prient plus. Hectolar qui fume, ôter l'attitude. Au cœur du bitume. 2 tonnes dans la saisie, non, 3 tonnes dans la saisie. N'appelle pas la PJ, on va te rendre paraplégique. La juge pense qu'on délire à coups de nos délits. Sa deck t'a déjà dit, on est des 9-3 baby. Les supporters m'ont rendu débile. Te chasser dans les tribunes, je suis passé à un autre stade. Tous ces chiens cuisinent mes délits. Pour ça que j'ai les keufs toujours dans mes pattes. On dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin. Ouais, on dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les keufs sont venus ce matin. Tu t'accroches à la vie grâce à tous tes rêves. Tu nous testes aujourd'hui, mais demain t'es raide. Rafale de balles comme à Bucarest. Ratatata, fuck ta putain reste. Regarde l'état de nos bites, on est plus des enfants. Regarde l'état de nos bites, on est des vrais combattants. Moi je suis toujours partant, même si je perds au carton. Dois-je voler une montre pour te montrer que j'ai pas le temps? Vroom vroom vroom, c'est le bruit de la bécane. Bang bang bang, c'est le bruit du pétard. 1 euro sans pétale, une soirée sans pétale. Son sarre aux Abiba, Zefa Baby. J'suis comme l'équipe, frénétique, très sceptique. Préfet, pressé, très sceptique. Magnifique, manie les filles, maléfique. Manie les filles, manie aussi. Baby girl, you love me. Niveau punchline, crois que je suis devenu un ovni. J'avançais, je me détruis. Tu m'as vu partir, mais tu me verras pas revenir. Même si la vie est moche, on repart de plus belle. Elle veut implanter l'eau, elle est très rapide. Elle se dit qu'elle veut implanter l'eau, elle est très rapide. Elle regarde le cul de mes punchlines, j'en obsède des textuels. On dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. Ouais, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. Un peu de silence, temps d'écrire. On vit ici ce que tu tentes de fuir. 5/5 sur un temps de tir. 5/5 sur un temps de tir. Fais pas trop le tarté si c'est pas ton quartier. Tu vas te faire scalper, on va sortir un tarpé. Symphonie de battre sur une terrasse de café. Combien vous canez, on finit handicapé. On brûle versatile, tout le monde en vert kaki. Tu vas perdre ta vie, les balles vont vers ta team. Nous on sort des armes car on a des couilles. Ta daronne verse des larmes devant ta dépouille. On vient, on prend toi, on te laisse pas le choix. On monte sur le toit, on te vise toi. On te met des doigts, moi qui fais un choix. On fait des rois, on sait qui est le roi. Plus qui parle mal, faut qu'il ralasse, ralasse. Y'a des pare-balles et des famas. Y'a des pare-balles et des famas. 9, 3, 7, 5, Panam. J'parle pas à demi-mot. J'fous le darwa de Pulmino. Essaie jamais de nous mimer. On risque de t'éliminer. Zora, DJ, Pio, Mamad, Sumpai, Kili. On tira de son physio jusqu'à que les douilles se finissent. Demande à des gars qui était le meilleur. Je mourrai au coin fumeur, vu qu'on veut m'allumer. Les caps sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. Ouais, on dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. On dormira pas chez nous. Les caps sont venus ce matin. Nova. Voilà, donc ça annonce l'album de Fab Baby sur lequel t'es en train de bosser. Ouais. Son morceau Freestyle, nouvel album.

maintenant t'offres le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Et la roulette qui tourne après le morceau Griot de la Team BS avec Vanessa Delon. Ça va bien Vanessa? Salut. En pleine forme? En pleine forme. Bienvenue, tu es prête à faire tourner? Prête. Eh ben on y va. Dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. La roulette est lancée, elle va s'arrêter pour toi Vanessa sur la case, c'est... Et ben voilà le DVD Pompéi qui arrive à la maison, Vanessa, du côté de Lens. C'est gentil, Max. Et ben t'aurais un petit dédicace, petit message à passer? Alors je fais des gros gros bisous à ma maman. Et puis je souhaite un bon courage à mon chéri pour le ramadan. Et ben terrible, ben, je te fais plein de bisous aussi Vanessa. Voilà, plein de bisous à toute l'équipe aussi. Bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée, salut. Merci Fababi pour cette soirée, en tout cas dans Planète Rap. C'était ta soirée ce soir entre 20 et 21. Merci aussi à toi. Merci aux éditeurs de Skyrock, parce que je pense que si on est disque d'or, Skyrock y est pour quelque chose. Et si on la suit justement, envoyer des messages derrière avec le hashtag Team BS sur Skyrock. La Team BS demain, ce sera avec La Fouine entre 20h et 21h et l'équipe du film À Toute Épreuve. On va rappeler deux trois choses, qu'évidemment il y a toujours ton album La Force du Nombre qui est dispo, qui est toujours dans les bacs, ouais. Qu'il y a un nouvel album qui arrive. Qui arrive. Très, tu as le nom, lourd. Tu as le nom de l'album ou pas? Ouais, j'ai une petite idée. Une petite idée. Mais tu veux rien dire. Ouais, c'est absolument secret. Tu seras le premier au courant. J'espère. Tu enverras un message. J'espère. En DM. C'est noté. Si tu m'as pas me follow. C'est noté, c'est enregistré et tout. Hein, donc, ouais, t'inquiète. Si jamais tu me fais un trouage. Non, t'inquiète. Ok. Et grosse dédicace à Nova Corp. On n'oublie pas que c'est des mecs de chez moi. Ils sont là d'ailleurs ce soir. Ils sont avec moi. Ils ont fait l'un de mes morceaux qu'on parle le plus, Fuck l'amour. Ils en ont fait d'autres. Ils ont fait au moins sur la Symphonie des Chargeurs. Ils ont au moins 8 titres. Allez, facile, 8 titres. Et là, l'aventure continue avec... L'aventure continue. Pour ceux qui m'attendaient en mode rue. Vous voulez dédicacer l'équipe de Nova Corp? Il y avait 2-3 petits messages, c'est le moment ou jamais. Hein. Ouais, dédicace à Stéphane. Dédicace à Flo. Dédicace à Takao. Dédicace à notre grand pavé neuf. Aïe. Eh ben merci Fababi. Merci à vous tous. Et je voulais dire un autre truc. Oui, vas-y. Il y a une chaka ouverte chez moi, à Noisy-le-Grand, 78 rue de la Malnou. Ça s'appelle Nuage Blanc. Si vous allez voir des matchs de la Coupe du Monde, vous posez et croisez Fababi, parce que je suis souvent là-bas le soir. Vous pouvez venir là-bas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pouvez y aller. Peut-être demain à 18h aussi pour France-Allemagne. Ouais, demain 18h, venez là-bas. 78 rue de la Malnou. Venez, Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Vous inquiétez pas, vous allez être bien accueillis. On n'est pas des sauvages. Merci à Fababi. Demain, le retour de la Team BS avec La Fouine. Là, il est grand temps de retrouver Difool. C'est parti, c'est la Radio Libre. You know. Difool. Oui, Fredo. On est là, on discute. Bonjour, Fredo. Hello. Oui, parce qu'on a un invité spécial ce soir. Ouais. Ah, oui, un invité. Je crois savoir qui c'est. Qui c'est? Oui. Je l'ai croisé dans le couloir. Tu l'as croisé dans... Normal. Oui, je dis rien. Qui est déjà là avec nous. On va faire un grand jeu d'ailleurs dès le début de l'émission maintenant, donc. Vous nous dites, d'après vous, mais qui est cet invité exceptionnel? Exceptionnel. Ce soir, s'il y en a un qui trouve, il a un cadeau. Donc, 41-759, skyrock.fm, les applis Skyrock. Mais qui est donc l'invité exceptionnel? Pourquoi tu fais merde, Samy? Parce que j'ai éclaté mon casque par... Oh merde. Oh merde. C'est explosé quoi. Oh merde. Donc, j'ai eu peur. Vous avez une idée pour l'invité mystère? Ah oui, non, t'inquiète, c'est pas l'invité mystère. Ouais, j'ai eu peur. Merde. Eh bien, malheureusement, il y a plus d'invité mystère. Désolé les gars. Ah, on nous dit Lacrime. Ah, Lacrime, on aura peut-être une bonne surprise ce soir ou demain soir. C'est Cédric qui gère, mais il galère. Ouais, il galère un peu. Bien vu pour Lacrime, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ah, tu galères. C'est pas le lui dont je vous parlais, hier. Un instant. Si vous avez une petite idée, je vais vous dire, tiens, un petit indice, à fond dans l'actu. Mais ah oui, à fond. À fond, ah ouais, Fred. Complètement. À fond. Nicolas Sarkozy arrive. Mais oui. Avec des menottes. Oui. Bonjour, monsieur Romano. Bonjour, bon, on fait la même taille. Donc bonjour. Non, c'est pas lui. On fait la même taille. Non, c'est pas lui. Allez, vos idées là, 41-759, skyrock.fm, je suis sûr qu'il y en a un qui va trouver là. Allez, moi, j'ai vu passer des gens. Ah, bon, trouvé, ah, j'ai qui a trouvé. Ah oui, j'ai vu aussi. Bon, dans un instant, vous savez tout, on vous dit tout. Et puis demain, on est de retour avec toi, Fredo. On sera peut-être en demi-finale demain. Ah, j'espère. Faut, hein. Ou pas. Ou pas. On sera peut-être déjà champion du monde. Ouais. Pas demain, Fred. Bon, on fera les pronostics là, on va lancer les grands pronostics pour le match de foot aussi. Bon, restez bien là, on est de retour dans un instant, puis vous nous appelez au 01 53 40 30 20. On arrive tout de suite, salut Fred. Ciao. Ciao. Toute l'année.